Si t'as du vague à l'âme, toi petit bout de femme, si t'as le cœur en éclat, ne reste pas chez toi. Si t'as perdu la tête et le sens de la fête, si tu n'as plus la foi, ne reste pas chez toi. Oh, rejoins-moi, rejoins-moi, rejoins-moi. Au détour d'une dune, sur les glaces de Neptune, ou à l'orée d'un bois, je t'attends, rejoins-moi, rejoins-moi, rejoins-moi. Dans la vallée déserte, sur la queue d'une comète, ou en bas de chez moi, je t'en prie, rejoins-moi. Si la peur de la ville te rend souvent fragile, si tu trembles parfois, ne reste pas chez toi. Si les gens t'exaspèrent autant que les maux de la terre, si l'air te manque parfois, ne reste pas chez toi. Ne reste pas chez toi. Mais surtout, souviens-toi. Rejoins-moi, rejoins-moi, rejoins-moi. Sur les bords d'une banquise, dans les îles Marquises, ou sur l'Himalaya, je t'en prie, rejoins-moi, rejoins-moi, rejoins-moi. On fera le tour du monde, dérober la Joconde. Après tout, pourquoi pas? Je t'en prie, rejoins-moi. Je n'attends plus que toi. Je veux aller là-bas. Tu me protégeras.